Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et si vous êtes en voiture, vous constatez qu'à la sortie de l'hiver, il y a quelques nids de poules sur les routes, que la route a souffert de l'hiver et l'une des raisons, c'en est évidemment l'usage des déglaçants. Alors, est-ce que ce serait possible de déglacer les routes sans trop polluer? Eh bien, on en parle avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Et oui, l'hiver n'est pas encore fini et puis... Avec le cocktail météo qu'on nous annonce, on risque d'y goûter pour les prochains jours et on va encore utiliser beaucoup de sel, oui, de déglaçage dans les rues. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un autre moyen qu'utiliser le sel pour déglacer? Parce que c'est une énorme source de polluants. Donc, au sud du Québec, on reçoit environ 1000 mm de précipitations par année. Et de ces 1000 mm-là, il y en a à peu près 300 cm qui sont sous forme de neige. Et pendant plus de 4 mois, le sol va geler à des profondeurs qui vont varier de 1 à 3 mètres, dépendamment des régions. Et les nombreuses chutes de neige qu'on va combiner aux importantes chutes de température, ça nécessite un entretien assez important du réseau routier. Mm-hmm. Et une utilisation phénoménale de sel. Durant l'hiver, il faut déneiger, mais surtout déglacer, pas moins de 300 000 km d'autoroute, routes, de chemins. Ouais, c'est beaucoup. C'est, hein, vraiment beaucoup. Puis, ils sont tous utiles pour qu'on puisse se déplacer. Puis, les conditions climatiques nordiques, ça pose un défi assez important pour les gestionnaires du réseau routier. Pour te donner un exemple, le ministère des Transports du Québec consacrait en 2010 un budget d'exploitation de 250 millions mm-hmm. uniquement pour l'entretien hivernal. Ouais, ça coûte quelque chose. Oui. Puis si on se penche du côté de la ville de Québec, ouais, on parle d'un budget de plutôt de 40 millions pour l'entretien des rues, c'est quand même beaucoup. Ah ouais. Puis chaque année, c'est environ 1,5 million de tonnes de sel de voirie qu'on va épandre au Québec sur les routes. Ah oui, puis qui se retrouve quelque part. Oui, à divers degrés, ça va se répandre dans la faune, dans la flore, la quantité d'eau et dans la qualité de l'eau et dans les sols, mais aussi ça va toucher les infrastructures. Le sel de voirie, c'est non seulement nocif pour les lacs, les cours d'eau, mais c'est aussi dangereux pour les nappes phréatiques, parce que ça peut même être aussi dommageable pour les terres agricoles en milieu rural. Ben oui. Et chaque année au Québec, le sel de voirie qu'on épand sur les voies, ça va se dissoudre dans l'eau sous forme d'ions libres de sodium et de chlorure. Le problème majeur avec les abrasifs comme le sel, c'est que ça se retrouve rapidement dans l'environnement, surtout dans le sol, dans les cours d'eau et les lacs, comme je l'ai dit. Par exemple, là, ici à Québec, au lac Saint-Charles, on a remarqué que depuis 2012, la salinité du lac a augmenté de 75%. 75%? Oui, c'est pas mal dû, mm-hmm, justement à la construction du nouveau tronçon de la route 175, pardon, ouais, qui relie Stoneham et le parc national de la Jacques-Cartier. Ce tronçon-là a été terminé en 2012, puis depuis ce temps-là, même un peu avant, on a remarqué que la salinité augmentait sans, ouais, arrêt. Ouais. Donc l'impact du réseau routier sur le lac est assez majeur, puis dans ce cas-ci, ça joue un rôle quand même notable dans le vieillissement accéléré, mm-hmm, du lac dans, mm-hmm, les dernières années. Exactement. Mais d'un autre côté, on veut avoir des routes qui sont sécuritaires, donc, oui, est-ce qu'on peut s'affranchir de ces produits abrasifs sans en même temps compromettre la sécurité des automobilistes? En raison de son faible coût et de sa grande efficacité, l'utilisation du chlorure de sodium, c'est assez difficile à battre. C'est le produit qui est le plus couramment utilisé au Canada, mais c'est parce que c'est aussi utilisé depuis les 50 dernières années, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mm-hmm. Mais en ce qui concerne l'utilisation du sel, il n'y a pas vraiment d'alternative qu'on pourrait utiliser. Il y a des recherches qui ont été faites pour voir s'il y avait d'autres produits qui pourraient remplacer le fameux chlorure de sodium, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent le stade de test à cause de l'efficacité ou des coûts et de la disponibilité. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui m'avait fait penser cette semaine, ça serait fun d'avoir des routes chauffantes. Ça existe, la technologie est là, mais ça coûterait extrêmement cher. Donc là, on est dans les problèmes de coûts et non d'efficacité. Et selon j'ai trouvé ça cette semaine aussi, c'est intéressant. Saviez-vous que selon l'article 64 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, c'est une loi d'Environnement Canada, mm-hmm, le sel de voirie, il est officiellement classé toxique. Mm-hmm. Mais on continue de l'utiliser parce qu'on n'a rien de meilleur. Ouais. Heureusement, au Québec, on a réfléchi à une nouvelle stratégie. Dans plusieurs municipalités du Québec, surtout en milieu moins urbanisé, on a mis en place des éco-routes d'hiver. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est des routes qu'on entretient sans sel de déglaçage. Et pour remplacer les abrasifs, j'ai découvert que la ville de Saint-Aimé-des-Lacs, du lac des Îles, c'est dans les Laurentides, ils misent plutôt sur l'épandage de sable et de gravier. Et en plus de sable, le chemin est gratté plus souvent et plus tôt quand la neige commence à tomber. Mm-hmm. Et on a aussi changé la limite de vitesse qui est passée de 80 à 50 km/h. Mm-hmm. Donc là, tu parles de, bon, de la ville de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Oui. C'est un joli nom. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits au Québec où il y a de ces écoroutes? Ben, à l'heure actuelle, on recense à peu près une quinzaine d'écoroutes d'hiver aux quatre coins du Québec. Elles sont surtout situées en milieu rural, dans des secteurs qui sont peu populeux, puis qui relie des petites municipalités et des moyennes municipalités. Il n'y a pas encore d'éco-routes en milieu urbain, ça va peut-être venir. Mm-hmm. Ben, c'est une initiative qui est assez méconnue, mais ça s'inscrit dans la stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie, qui a été mise en place par le gouvernement du Québec. Et les éco-routes possèdent aussi une signalisation particulière. Ils ont des panneaux verts qui indiquent la longueur de l'artère qui est concernée. Donc, pour l'instant, on n'en trouve pas dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Donc, mm-hmm. on n'en trouve pas dans la capitale nationale. La seule région qui est vraiment près d'ici où ce que on peut en trouver une, c'est dans le coin de Rivière-à-Pierre, dans la région de Portneuf. Mm-hmm. Mais sinon, il n'y en a pas encore à Québec. Ouais. Mais sinon, bon, si on trouve que c'est intéressant, est-ce que Stoneham, donc si on se rapproche de, mm-hmm. donc, de l'autoroute Laurentienne, donc, est-ce que Stoneham aurait avantage à implanter une écoroute? Je pense que effectivement la municipalité et surtout le lac Saint-Charles y gagnerait beaucoup parce que la nouvelle autoroute à Stoneham, comme je l'ai dit, ça a joué un rôle important dans le vieillissement accéléré du lac et qu'il faudrait vraiment trouver des meilleures solutions, des solutions alternatives là, aux sels de déglaçage. Même si là, on sait qu'il y a vraiment rien qui est aussi efficace. Il y a quand même l'utilisation des pneus à crampons qu'on devrait peut-être favoriser. Déjà là, je te donne un exemple, mm-hmm. en Norvège, c'est obligatoire. Ah oui, mais peut-être que ça a des conséquences sur la durabilité du ouais. revêtement aussi. Oui, ça serait à vérifier, mais déjà là, si on a ça, ça incite peut-être à utiliser un peu moins de sel. Et surtout, je pense que ce qui aurait un impact assez important, c'est que l'hiver, ça serait diminuer la vitesse. Mm-hmm. Déjà là, ça serait un bon début. Ben en attendant, il y a des expériences d'éco-routes qui se sont faites ailleurs au Québec, mais ça s'est révélé, très instructif. À Saint-Alfred, en Beauce, il y a un projet qui, au début, ben, ça suscitait une assez bonne levée de bouclier. On peut comprendre pourquoi. Mais il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu une augmentation d'accidents. Il y a eu beaucoup de plaintes là, à la ville parce que les gens s'inquiétaient. Pourquoi vous mettez plus de sel et tout ça, mais il n'y a pas arrivé d'accident suite à ça. Mm-hmm. Le maire de la ville il a avoué qu'au début, le premier hiver, il savait pas trop comment s'y prendre. Et qu'en plus, là, ça s'est tombé à un hiver qui était assez difficile. Mais maintenant, il passe le sable avant que ça gèle et il déneige quand même plus mm-hmm. qu'avant. Et donc, la ville utilise aussi un petit peu de sel, mais quand même, ils ont réduit les quantités utilisées de 75%. Ouais, c'est quand même... Et ça n'a pas augmenté le nombre d'accidents. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Mais est-ce que, bon là, on veut enlever le sel pour un souci environnemental, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres motivations aussi pour lesquelles on voudrait remplacer le sel par autre chose? Effectivement, l'environnement, c'est pas la seule motivation. Dans la municipalité de Saint-Alfred, là, c'était pas tant la protection de l'eau qui visait, mais c'était surtout de protéger l'état de la machinerie qui a motivé le changement. Parce que le calcium, ben, ça fait rouiller. Oui. Et l'équipement de déneigement, ça demande donc un nettoyage et un entretien plus fréquent et plus coûteux parce que l'équipement est toujours rouillé à cause qu'on utilise beaucoup de sel. Mais c'est sûr que le souci environnemental demeure quand même le plus mm-hmm. important dans la majorité des cas. Le Saint-Aimé-des-Lacs, c'était pour protéger à la base un des plus beaux lacs des Laurentides. Donc, on pense aussi à la protection des nappes phréatiques parce que ça peut être aussi contaminé par le sel utilisé en voirie. À Saint-Théodore-d'Acton, en Montérégie, on se déplace encore mm-hmm. Au Québec, l'écoroute fait près de 15 km de long, c'est quand même important, et est en fonction depuis 2011. Puis le directeur de la municipalité concède qu'il y a eu quelques plaintes là, dans les premières années, mais que maintenant, ils ont, avec une bonne campagne d'information conjointement avec le ministère des Transports, maintenant c'est socialement très bien accepté mm-hmm. et ça semble bien se passer dans le secteur. Ils ont voulu tester la formule pour protéger les terres agricoles aussi, parce qu'aux abords des routes qui mènent à Saint-Nazaire, il y avait des problèmes à ce niveau-là. La limite de vitesse n'a pas été réduite, mais la gestion des opérations de déneigement maintenant est très différente. Mm-hmm. Donc, c'est plus efficace. Et sinon, bon, donc, tu nous as donné quelques exemples d'écoroutes. Où est-ce qu'on en trouve encore au Québec? Ben, on retrouve des écoroutes dans la région du Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie, dans le centre du Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'instant. Donc, on espère que ça va se développer. Mm-hmm. Surtout que ça serait intéressant de faire le test en milieu urbain. Oui. Parce que ça, c'est... Ils sont tous, c'est ce que je me disais, tous oui. en milieu rural, donc oui. c'est peut-être un peu plus facile parce que il y a pas autant de trafic. C'est ça, exactement. Mais ça serait peut-être ouais. intéressant de tester une tarte, peut-être pour un hiver, une ou en section banlieue, dans les petites sections oui, résidentielles, exactement. Il y a peut-être moins d'achalandage, là. Oui, mm-hmm. mais peu importe ce qu'on doit faire, il faut garder en tête qu'on utilise 1,5 million de tonnes de sel sur les routes du Québec, et ça, c'est vraiment un problème qu'il faut modifier, parce qu'il faut songer vraiment à une méthode alternative, surtout si on veut préserver nos réserves d'eau potable et surtout protéger l'environnement. Il faut peut-être se préparer aussi à un changement dans nos comportements d'automobilistes, qu'on n'est peut-être pas toujours d'avoir. Oui, comme je le disais, ralentir l'hiver, c'est déjà un bon début. Exactement. Exactement. Ben, merci beaucoup, Mélanie, pour nous faire entrevoir donc, cette possibilité un jour qu'on roule sur des routes non déneigées avec du sel, mais peut-être avec du sable, et en changeant notre comportement en voiture. Merci beaucoup, Mélanie. Et de rien. On passe en pause musicale sur CKRL, et au retour, on vous revient, on va rester dans le domaine de, pas tout à fait de la neige et de la glace, mais de l'eau, et de l'eau qui boue, avec Dominique Boudreau du Centre de démonstration en sciences physiques.